Poit, Yves Dabila, Copa Paris, yeah. Clarisse Mills, yeah. Amour Angelo Bastao, Angban Victorien, Abba Ville Ville. Abba Ville Ville, so mama, so mama, so. Abba Ville Ville, so mama, so mama, so. Abba Ville Ville, so mama, so mama. Bayo Bakoun, à qui toi tu n'as pas choisi ta vie, c'est Reggie, c'est Dieu qui a donné, alors fais de ton mieux, de ton mieux. Pour ne pas gâter ton nom, gâter ton nom, ton nom. Le temps passe vite, vite, vite, vite, vite, vite. Et on est tous de passage, passage. Alors sur ton chemin, tu dois semer des fleurs. Eric Bobo Testé. Abba Ville Ville, so mama, so Franck et Kessier, oh. Abba Ville Ville, so mama, Sébastien Le Blanc. Abba Ville Ville, président DJ Flopa. Abba Ville Ville, on ne récolte que ce que l'on sème. Si tu restes couché, ne dis pas demain que Dieu t'a oublié. Oh. Ah, Maxwell Cornéo, Moussa Dembélé, Coco la japonaise, oh, de vrais guerriers.